La programmation de cette édition du Undead Incorporated Show Réanimation est une fois de plus particulière. C'est-à-dire qu'étant donné que j'ai bien de la difficulté à faire les choses normalement, voire impossible, j'ai une fois de plus inséré une certaine forme de concept. Nous ferons un survol de quelques sorties importantes de la scène métal sur une décennie, soit de 1980, de 1985 et de 1990. Il se partranche de 5 années, bien sûr. Une quinzaine d'albums d'importance, selon moi, qui auront au fil du temps à porter et voir transformer la musique métal que nous connaissons. Et encore une fois, comme si ce spécial n'en avait pas eu assez, j'ai inclus 2 présentations de nouveautés, Devos et leur dernière parution, et surtout le 6e album de la formation Marrakech. Cela veut dire qu'il n'y aura pas que ma folie et les viscères de mes zombies qui déborderont, mais possiblement aussi la programmation de ce soir. Voici Réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsqu'il veut vous faire croire que le surplus n'est pas néfaste et qu'en fait vous devriez toujours exagérer en tout, surtout lorsque vous risquez d'éclater. C'est un spectacle magnifique. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated. Cause I, Pendragon, said so. Black Sabbath. Go. Sing!

Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de Réanimation. En ce, cette première édition de mars 2015, cet an de disgrâce 2015, devrais-je dire. Espérons que le mois de mars nous sera un peu plus clément au niveau de la température parce que j'ai tellement eu froid dans ma morgue et dans mon laboratoire que tous mes produits ont gelé. Tous mes cadavres ont gelé et moi aussi. Ce qui veut dire que je suis pensablement dysfonctionnel, mais ça, c'est comme d'habitude. En fait, avant de vous présenter ce qu'on vient d'entendre, je vous remets un peu dans le contexte, puisque, comme je l'ai présenté en début d'émission, il y a un spécial ce soir qui est un spécial 15 ans, c'est-à-dire que je présente des albums. Et je le dis ici, c'est subjectif, mais je crois que aussi ça peut représenter assez bien la réalité. Des albums qui, depuis le début du métal, allés jusqu'en 1990, soit entre 80 et 90, auront eu un certain impact, voire marqué, et peut-être même influencé d'une certaine façon la musique métal qui s'écoute aujourd'hui. C'est par tranche de cinq. Ben, en fait, c'est trois tranches qui représentent 1980, oui, effectivement, 1985 et 1990. Donc, je les ai sortis en plus de façon chronologique. Donc, j'ai pas fait mes devoirs à moitié. Hein. On vient d'entendre la formation Motorhead et la pièce des Hammer qu'on retrouvait sur l'album, on retrouve toujours sur l'album Ace of Spades, qui est paru, lui, le 8 novembre 1980. Donc, vous comprendrez que ce premier bloc ne s'adresse qu'à 1980. C'était le cinquième album de cette formation qui, 40 ans plus tard, puisqu'elle s'est formée en 1975, eh bien, est toujours existante et performante. Dans une version qui est plus la même, évidemment, puisqu'il ne reste que Lemmy, originairement du groupe du départ, mais écoute, écoutez, comme si je parlais à quelqu'un en particulier. Écoutez, il reste une chose, c'est que probablement c'est la formule la plus longue dans son état actuel et qui a été la plus stable de Motorhead. Juste auparavant, nous avions Ozzy Osbourne. Oui, parce que Ozzy, effectivement, il est très, très connu pour être un des membres, le chanteur original de Black Sabbath, mais il a eu quand même une carrière solo assez importante, faut le dire, en grande dent de scie aussi, il faut bien le dire. Mais il y a eu des choses assez importantes qu'il a fait, comme ce premier album solo qui était sorti de sa part le 20 septembre 1980, soit Blizzard of Oz. La pièce étant Suicide Solution, et contrairement à des détracteurs qui ont voulu salir dès le départ la carrière de Ozzy, Suicide Solution n'est pas une incitation au suicide, loin de là. Je vous invite à lire les paroles de cette pièce pour comprendre quel en est le sujet réel. Nous avions Iron Maiden, et ça pour moi, et je vous dirais, oui, soit dit en passant, que les artistes que j'ai présentés dans le premier bloc sont tous des Britanniques. Iron Maiden, ça a eu un impact très grand sur mon écoute musicale. C'est sorti le 14 avril 1980, c'était le premier album qui portait simplement le titre d'Iron Maiden. Ça a été révolutionnaire de par la présentation graphique, mais aussi de par la musique. On était vraiment, à cette époque-là, en 80, sur vraiment une fin de ce qui était le hard rock, plus heavy, si on veut, mais on venait de franchir la transition de l'appellation proprement dite heavy metal, et Iron Maiden a sorti quelque chose qui était vraiment révolutionnaire, faut vraiment que je l'admette, et je l'admette bon cœur d'ailleurs, avec une musique très intelligente, très différente, très innovatrice, avec des mélodies accrocheuses, et aussi de bons musiciens, faut le dire. Bon, évidemment, vous le savez déjà, je suis pas un grand fan de Bruce Dickinson. Donc ici, évidemment, c'était pas Bruce Dickinson, mais bien notre ami Paul Di'Anno qui chantait, qui reste pour moi encore le meilleur chanteur d'Iron Maiden, quoique c'est pas un grand chanteur. Donc vous voyez déjà mes goûts un petit peu, là. La qualité de mes goûts, plutôt. Mais ça, c'est indiscutable. Donc, c'était la pièce Phantom of the Opera. Juste avant, nous avions Judas Priest. Encore là, un album fort marquant qui est sorti le 14 avril également, 1980, soit British Steel, qui était le sixième de cette formation, puisque Judas Priest existait déjà depuis pratiquement la mi-1970. À l'époque, il faisait beaucoup plus un hard rock. Et moi, je trouve ça fort intéressant ce qu'il faisait à l'époque. Et avec cet album, principalement British Steel, ils ont vraiment tranché là vers une version beaucoup plus musclée, beaucoup plus metal, heavy metal de Judas Priest. La pièce est en Rapid Fire. Ils ont ouvert avec justement Black Sabbath. Le premier album auquel aura collaboré, en fait, aura participé à cette formation, le regretté Ronnie James Dio. L'album étant Heaven and Hell, qui lui est paru le 1er avril. C'était le 9e album sous le nom Black Sabbath, qui était paru également en 1980. La pièce était celle d'ouverture Neon Nights. Neon Nights, d'ailleurs, que je le disais à mon bon ami Rockmaster, parce que je sais que c'est une de ses pièces préférées, du moins dans la version avec Ronnie James Dio. C'est une excellente pièce. Ça commence un album vraiment en force. Et ça aussi, je dois dire que ça faisait très différent du Black Sabbath qu'on connaissait, mais c'était aussi tout excellent. Tout autant excellent, je dois le dire. Donc, j'ai encore, évidemment, une émission fort chargée pour vous ce soir. J'ai encore deux blocs, dont un relativement long qui s'adresse à ce spécial 15 ans, si on veut. Mais en fait, c'est pas 15 ans parce que c'est trois tranches de représentants. Si on veut une période de 5 ans, c'est un peu trompeur comme titre, j'en conviens, mais c'était volontaire. J'ai aussi deux présentations, dont une dans quelques instants, dont Malakesh, dernier album paru, soit le 27 février dernier, c'est vendredi dernier. C'est leur sixième album, cette formation qui était originaire de Jérusalem, maintenant qu'ils sont aux Pays-Bas. L'album étant Enki, je vous en parle plus tard, mais c'est vraiment un très bon album. Par contre, tout de suite, je vais vous présenter quelque chose que j'ai découvert il y a peu de temps, qui est une formation polonaise qui vient de Lublin. Je sais même pas si je le prononce correctement, et je vous assure que je ne prononcerai pas je ne prononce encore moins le nom des membres du groupe. C'est un quintet, parce que c'est impossible dans mon cas de pouvoir être capable de déchiffrer ces espèces d'agencements de lettres et de chiffres, là. Mais bref, il s'agit de la formation Davos. Davos, qui est une formation qui existe depuis 1997, qui donne dans un technical death metal. Ben, moi, je suis plus ou moins d'accord. Disons que allons-y dans la famille du death metal. C'est une formation qui en est à son quatrième album, pardon, qui a vu le premier paraître en 2006. Moi, j'ai découvert ça avec la parution de ce dernier album qui porte le titre de Théo d'ici ou Théo de là-bas, là, je sais pas trop, là. Mais j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça fort intéressant comme groupe. Ça casse pas, ça révolutionne pas la musique, évidemment pas, parce que ça, c'est un très, très, très, très, très gros contrat de vouloir révolutionner la musique, c'est chose pratiquement impossible. Mais c'est une bonne formation métal dans le death. Je lui ai accordé un 7 sur 10. Il faudrait pas que j'exagère mes notes, là. 7 sur 10. Je trouve que... en fait, la présentation graphique est simple, mais elle est très bonne. Ça, au départ, c'est bien d'accrocher l'œil. Ça pique souvent la curiosité. Et le contenu est aussi intéressant. DLC comporte, en fait, c'est une forme de mini-album, si on veut. Il comporte 6 pièces, mais quand même pour un total de pratiquement 39 minutes, ce qui veut dire que c'est égal et des fois surpasse des albums dits complets qui vont avoir à peine 30 minutes. Donc, c'est sorti sur Self-Made God Records, que je ne connais pas du tout. Ça n'a pas d'importance. Et c'est paru le 15 février dernier. Moi, je vous propose deux pièces qui sont respectivement la première et la deuxième pièce, qui portent le nom, titre de l'album, Theodicy et El Shaddai. Voici Davos. Go! We'll be right back.

Ben oui, c'est ça, c'est le 6 mars. Côté cinéma, en fait, justement, le 6 mars, un film de science-fiction qui sort sur grand écran qui s'appelle Chappie. Film de science-fiction qui pourrait, ben en fait, le titre est pas très évocateur, j'en conviens, mais ça pourrait être peut-être intéressant. Quoique j'ai une réserve puisqu'il s'agit du même directeur que District 9 que j'avais trouvé absolument horrible. Mais bon, étant donné que ça met en vedette Hugh Jackman et Sigourney Weaver, ben je me dis, il y a des chances qu'il ait peut-être pas pris un scénario qui était pas très bon. Bref, c'est un film de science-fiction qui raconte grosso modo l'histoire de policiers qui sont des formes de cyborgs qui, ben en fait, ce sont plus des policiers humains qui appliquent la loi, mais ce sont des cyborgs et ils en ont mis un au point qui, lui, a ses propres règles, ressent des sentiments, des émotions et peut s'autogérer. C'est stéréotypé, j'en conviens, mais ça pourrait être intéressant pour les amateurs de science-fiction. Et ne perdez pas espoir ni patience, parce que le 1er mai, ça s'en vient, et ce sera le nouveau Les Avengers avec The Age of Ultron. Donc ça, c'est à voir, sans l'ombre d'un doute, pour les amateurs dont je suis, de science-fiction et de super-hero. Autre film qui sera en salle bientôt, il s'agit de Gunman. C'est le 20 mars, c'est un film d'action à tendance criminelle, bien sûr, mettant en vedette Sean Penn. Il semble qu'il fait un bout qu'on n'a pas vu Sean Penn. C'est un très bon acteur, Sean Penn. Ce qui est en salle présentement, c'est The Lazarus Effect. C'est un film à connotation horreur, voire fantastique, peut-être. Dans les trucs que moi, j'ai vus et que j'ai plus ou moins aimé, ou que j'ai aimé, eh bien, je vais commencer par ce que j'ai le moins aimé, tiens, finalement. On parle d'un film avec Nicolas Cage, Dying of the Light. C'est un film de 2014 qui est signé Paul Schrader, qui met en vedette, comme je l'ai dit, Nicolas Cage, mais Anton Yelchin, que je ne connais pas, et Alexander Karim, que je connais plus ou moins. C'est un trailer d'action et ça raconte l'histoire d'un agent du CIA qui est atteint d'une maladie qui porte le nom de démence. Semble-t-il, c'est une maladie dégénérative. Oui, voilà, qui n'est pas très agréable à subir parce que elle peut se présenter sur diverses formes et diverses amplitudes, mais surtout dans des vraiment dans une forme de, oui, effectivement, de démence. Ça porte très bien son nom, des excès de colère, des pertes de mémoire, des pertes de motricité, en fait une perte de sa personnalité, si on veut, ou de du pouvoir de son contrôle. Et il en est atteint, il est mis au rancard, mais il est persuadé que un des ennemis de l'État, finalement, du pays, est toujours vivant, contrairement à ce que ses supérieurs disent, et il décide de s'en faire une mission personnelle pour régler le compte à ce scélérat. C'est un petit peu long, je dois dire. Honnêtement, ben Nicolas Cage n'est pas mon meilleur au départ, mais généralement, il fait des choses assez bien. Il a fait d'excellents films, il faut le dire. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a une petite relâche, puis que probablement que le choix des scénarios, comme je disais tout à l'heure, est peut-être pas le meilleur dans son cas. Il y a des longueurs, il y a des scènes qui sont très bonnes, mais elles ne justifient pas l'ensemble du film. À mon humble avis, je vais donner un 5,5 sur 10. C'est disponible à Blu-ray, DVD, bien entendu. Autre chose que j'ai écouté, c'est un film qui met en vedette Ewan McGregor. Ewan McGregor, moi, je l'aime bien, cet acteur-là. Rappelez-vous-en, entre autres, pour Trainspotting. C'est probablement là qu'on a commencé à connaître vraiment bien. Il jouait le rôle d'un junkie, mais plus particulièrement, bien sûr, dans le rôle d'Obi-Wan Kenobi dans la saga des Star Wars. En fait, les trois derniers à être parus, qui sont dans les faits, les trois premiers. Donc, il s'agit du film Son of a Gun. C'est un film de 2014. Ici aussi, c'est un trailer d'action. C'est un film australien. Ça n'a aucune connotation que le film soit étranger ou non. Si le film est bon, il est bon, voilà tout. Mais ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les films étrangers, ils ont une vision des fois, une approche qui est différente, puis il faut s'acclimater à ça. Bon, les Australiens, c'est pas très différent de les Britanniques, hein, on s'entend là, là-dessus. Mais ici, il y a un certain seuil entre les deux. C'est un film qui a un bon sujet, qui raconte une histoire de détenus, de condamnés, en fait, à perpétuité, ou du moins pour plusieurs années, qui est interprété par Ewan McGregor, et qui est rejoint hasardeusement dans le pénitencier par un jeune qui a crimé un tout petit délit, qui n'est là pour que quelques mois, mais qui, de fil en aiguille, se voit être obligé d'être protégé par Juan McGregor et ses quelques sbires, et qui embarque dans un jeu de criminalité. Bon, c'est pas mauvais. Là aussi, il y a quelques longueurs, mais je dois dire que la fin, qui est assez bien en soi, rachète une bonne partie du film, donc je lui donne un 6,5 sur 10. C'est disponible en DVD en Blu-ray. Le film, par contre, qui mérite vraiment et qui est très, très, très, très bon, il s'agit du film The Imitation Game, qui est un film à connotation historique, biographique. C'est un drame qui met en vedette Benedict Cumberbatch, que je n'ai pas reconnu sur le moment, mais qui, en fait, interprète Khan dans le dernier Star Trek, Into Darkness. Bon, on s'entend que Khan n'a pas nécessairement l'air de ce que Benedict Cumberbatch a l'air dans la vie réelle, mais c'était lui. C'est un bon acteur. Et évidemment, ce film raconte l'histoire de ce mathématicien prodige qui est Alan Turing, qui est engagé par le gouvernement britannique pour être capable de décoder cette fameuse machine allemande nazie Enigma qui émet des codes à tous les 24 heures, des codes ultra secrets, indescriptibles, indéchiffrables, et qui permettrait aux forces britanniques, françaises bien entendu, et aussi aux alliés, de pouvoir déjouer les Allemands dans leurs attaques de ravitaillement principalement de l'Atlantique. C'est vraiment, semble-t-il que le film reflète beaucoup, beaucoup la réalité, l'événement qui s'est passé. C'est vraiment très bon. C'est pas un film d'action du tout, c'est pas un film de guerre non plus. C'est un film à connotation très psychologique, mais c'est vraiment la bulle de ce personnage qui est pratiquement increvable pour arriver à ses fins. Et c'est tout un grand génie innovateur et créateur qui, finalement, aura réussi à déchiffrer les codes. Bref, c'est un très bon film d'Imitation Game. Quelques petites longueurs à l'occasion, mais sans plus, je lui accorde un 8 sur 10. Le film que je vous propose de découvrir ou de revoir cette semaine est un film d'horreur de vampires. Il s'agit de 30 Days of Night. C'est un film de David Slade qui met en vedette Josh Arnett et Mark Boone Jr., qu'on a vraiment bien connu dans Sons of Anarchy, comme étant Bobby Elvis Monsoon. C'est un très bon film de vampires. C'est paru en 2007. Ce film, 30 Days of Night, venait remettre d'une certaine façon l'intérêt pour les films de vampires qui avait été un petit peu usé jusqu'à la corde de façon des fois très maladroite et même voire très poche. 30 Days of Night, ça ramène du sang neuf, sans mauvais jeu de mots. C'est très bon. C'est un film qui s'écoute bien. C'est un film qui n'a pas de longueur. C'est un film qui est rempli d'action, mais qui est aussi, je dirais, de façon, pour un film d'horreur, fait de façon assez intelligente. Je lui accorde un 8 sur 10, 30 Days of Night. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un fils, un film mettant en vedette Thomas Jane et Bruce Willis, un film de science-fiction et d'action, soit Vice. Je vous parlerai aussi, probablement, je dis probablement, je crois pouvoir commencer à faire une incursion dans la troisième saison de House of Cards. C'est vraiment excellent. Possiblement une incursion aussi, mais ça dépend du temps libre que j'aurai, dans la deuxième saison de Black Sails, qui est une série d'aventures pirates. C'est vraiment excellent. Captain Flynn. Woman in Black 2, Angel of Death. J'ai des réserves. C'est la Hammer, bien entendu, mais le premier était vraiment excellent, donc la barre est haute pour celui-ci. C'est donc cela. Nous allons poursuivre dans ce spécial qui est 15 ans, mais qui est un titre fort erroné, puisqu'on parle ici d'une dizaine d'années seulement, une décade, soit celle de 80 à 90, mais elle est comme elle est constituée de trois tranches qui sépare cette année en trois, si on le veut. J'ai fait un jeu de mots avec 15 ans. Jeu de mots qui est plate, j'en conviens. Mille pardons. Nous allons continuer avec un album qui est paru le 25 avril 1985. Et lui aussi, je dois dire qu'il a amené énormément de nouveaux dans cette musique métal. Ils venaient, d'Amérique, des États-Unis. C'est une formation qui a amené beaucoup au genre thrash metal. Il s'agit de Exodus. On va l'écouter immédiatement. Lessons in Violence est paru sur leur premier album Bodied by Blood. Go!

fantaisie. C'est fou, 89 ans. Ce samedi 7 mars, votre café-bar Le Zéna vous présente les formations Gasoline et Adam Strangler. Pour une soirée rock, pop et psychédélique, soyez au Zénob ce samedi 7 mars, 21h30. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Monsieur Tremblay, Madame Dubreuil, si je vous ai convoqué à mon bureau aujourd'hui, c'est parce qu'encore une fois, Mathis, cette semaine, s'est amusé, a pris plaisir à faire des blagues sur la surcharge pondérale de sa camarade de classe, la petite Julie. La petite toutoune, là! Ben oui, la petite toutoune, c'est notre voisine! C'est pas toujours le bon moment pour rire. Pour ça, il y a l'impro, tous les lundis, à la Chasse-Galerie. Lundi, le 9 mars, venez voir les Bleus et les Oranges s'affronter dans un grand duel de blagues et d'émotions fortes. 20h, Chasse-Galerie, gratuit. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classic. Rock Classic, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Audiomatique, avec les électronistes, tous les mercredis à 18h. En rediffusion, les samedis à 20h. Fou de folk. C'est fou. 89 ans. ...20h36 et je le savais, je vais sûrement manquer de temps. Bon, ben c'est pas plus grave que ça, vous passerez de la fin. Formation fort importante dans le milieu du métal avec leur... c'est le premier album pleinement officiel studio, si on veut. Il s'agit de tout Megatherion de Celtic Frost, bien sûr... il y a eu un album avant, mais on a fait avec un mini-album, un album complet avec des ajouts. Donc, disons que To Megatherion est le premier album officiel de Celtic Frost, la formation suisse, paru le 27 octobre 1985. La pièce étant Down of Megiddo. Et pourquoi cette pièce particulièrement? Parce que Celtic Frost avait osé incorporer des corps français dans leur musique, ce qui s'était encore jamais vu dans le milieu du métal. C'était fort audacieux, mais en même temps, ça donnait une dimension très particulière à leur musique. Et je dois dire d'ailleurs que depuis ce temps, plusieurs formations ont inclus un aspect plus symphonique à leur métal. Juste auparavant, nous avions Possess et la formation américaine USA. Et la pièce Holy Hell tirée de Seven Churches, qui lui est parue le 16 octobre 1985. C'était également leur premier album. C'est l'album qui m'a grandement marqué aussi, qui je le trouve toujours tout aussi intéressant qu'il y a longtemps. 30 ans, oui, effectivement. C'est un album qui, malheureusement, je dois dire que les productions de l'époque n'étaient... Ben, Celtic Frost, c'est correct, là. Mais si on parle de Possess et ce qui a précédé Slayer, les productions de l'époque n'étaient pas extraordinaires. Et même le remaster, des fois, n'arrive pas à ramener cet aspect qui, aujourd'hui, nous sommes habitués à avoir quelque chose de beaucoup plus percutant, plus punchant, mais bon. Donc, cet album de Seven Churches, comme cet album Seven Churches de Possess, comme je l'ai dit, est paru le 16 octobre 1985. Nous avions Slayer, une autre formation made in USA, et la pièce Necrophiliac est tirée de Hell Awaits, qui lui est paru le 15 septembre 1985. C'était le deuxième album de cette formation qui existe toujours dans une autre formule maintenant, mais qui existe toujours, du moins à 50%. D'ailleurs, L'album Hello Wait sera présenté comme album classique ce vendredi par le Rockmaster à Rock Classic. C'est un très bon album aussi, Hello Wait. La pièce Hello Wait est excellente d'ailleurs. Elle était une bonne reprise, Hello Wait, qui était faite par... comment s'appelle-t-il déjà? Ah, j'ai un blanc de mémoire, c'est incroyable. Cradlefield, voyons. Voilà. Stormtrooper of Death, juste auparavant, et la pièce Speak English or Die, cette pièce, titre de cet album qui est paru le 30 août. C'était le premier, et possiblement, ben, il y en a eu deux. Mais le seul qui vaille vraiment la peine, cette formation crossover metal qui est paru le 30 août 1985, ça avait été toute une surprise, SOD, Stormtrooper of Death, d'entendre ça, parce que eux aussi, ils avaient innové, d'une certaine façon, leur conception du métal, et ça a été très, très, très bien reçu, cet album-là. Nous avions Megadeth, formation américaine, et la pièce Chosen Ones, tirée de Killings by Business and Business is Good, qui est paru le 12 juin 1985. C'était également leur premier album. Megadeth, ce qu'ils apportaient au niveau du thrash et du métal, c'est de la technique. C'est une approche du thrash metal qui était beaucoup plus recherchée au niveau de la technique. Ça apportait quelque chose de très bien au niveau de la musique, et cet album-là, je le trouve toujours aussi bon. Et on est ouvert avec Exodus, Lessons in Violence, A Lesson in Violence, qui est paru sur leur premier album, qui est sorti le 25 avril 85, soit Bounded by Blood. Ça, c'est un album qui a marqué énormément d'amateurs de métal, dont moi, et qui, selon plusieurs encore, est un des grands albums à être sorti au niveau du métal. Je vous présente maintenant la deuxième nouveauté de la semaine. Nouveauté de la semaine, c'est ça? qui met en vedette cette fois-ci une formation qui a vu le jour à Jérusalem en 1993, qui de nos jours fait partie des Pays-Bas, c'est une exode, hein, vraiment. Je parle de Melakesh. Ils sont déménagé vers les Pays-Bas parce que il semblait-il que dans leur pays d'origine, ce qu'ils faisaient était plus ou moins bien vu. Bref, une formation qui donne dans un mélange de Black Death et de folk du Moyen-Orient, métal, bien sûr, et c'est très original ce qu'ils font, c'est fort bien fait. On les a vus il y a quelques années au Metal Fest ici même. D'ailleurs, avant que je l'oublie, mais où avais-je la tête, le Metal Fest se tiendra le... Vendredi 20 et samedi 21 mars à la bâtisse industrielle. C'est une présentation trouvée en métal. Vous pourrez voir, entre autres, des formations comme God Dethrone, Flesh God Apocalypse, Terrorizer, Gorguts, Cryptopsy, Razor, Augury, Benighted, Soothsayer, Genetic Error, que j'aurai en entrevue la semaine prochaine, d'ailleurs, Genetic Error. En fait, certains membres de formation, je les aurai en entrevue, et j'aurai aussi le malheur, je dois le dire, de recevoir mon ancienne, mon serviteur, mais c'était pratiquement ça. Mon ancien acolyte et assistant Jeff, qui sera là pour faire une émission spéciale sur le 3e Metal Fest, bien entendu. Il sera accompagné de Genetic Error. Donc, ce sont tous des bandes que vous pourrez voir au 3e Metal Fest. C'est la 14e édition. Vous pouvez vous procurer les billets en pré-vente aux endroits suivants sur le www.3rmf.com, bien sûr, chez Long & McQuaid, ici à Trois-Rivières, Puce Rock à Trois-Rivières, Metal Punk à Trois-Rivières, Frisson Sonde Centrale à Montréal, Vision Rock à Québec et Disque et Ruban à Drummondville. Au coût de 40 $ l'unité, c'est-à-dire soir indépendant, et pour le forfait de soir, 70 $. Donc, c'est un spectacle qui sera sûrement plaire et combler les amateurs de métal en veau. Donc, comme je le disais, revenons à mes moutons. Je parlais de la formation Melakesh. Il s'agit de leur 6e album studio complet. Il est paru le 27 février dernier, c'est-à-dire il y a très peu de temps, c'est vendredi dernier, ça. Et il porte le titre de Enki. C'est un album que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je le qualifie certainement aussi bon que son prédécesseur, The Happy Genesis, sinon meilleur à un certain niveau. Il est disponible sur Nuclear Blast en version CD et en très belle version vinyle, si vous préférez, LP. J'ai lui accordé une note de 9,5 sur 10 selon mes goûts. jusqu'à présent. L'année est jeune, j'en conviens, mais c'est pour moi le meilleur album métal qui est paru jusqu'à présent. Je vous fais écouter deux pièces qui sont tirées de cet album. Enki, soit la deuxième pièce de Pendulum Speaks et la septième de Psalm, The Eye and the Lapis Lazul. Tout de suite, Melakesh, go! Hello, everybody. This is Asmodai from Melakesh. You're listening to Reanimation, the Undead Incorporated show on CFOU 89.1 FM. Malakesh, deux pièces tirées de cet excellent dernier album paru le vendredi dernier, soit le 27 février, Enki. C'est leur sixième album studio qui est paru sur l'étiquette Nuclear Blast. C'est vraiment excellent. Deux pièces, soit The Palm, the Eye and Lapis Lazuli, qu'on vient d'entendre à l'instant. Et c'était précédé de la deuxième pièce de l'album, The Pendulum Speaks. J'ai donné un 9,5 sur 10. Je le maintiens. C'est vraiment très, très bon. C'est une musique de qualité. J'ai eu le loisir d'aller voir au Metal Fest ici il y a quelques années. Ça avait été un très, très bon spectacle. D'ailleurs, Malakesh lui-même est quelqu'un de très sympathique parce que c'est le nom du chanteur. Je vous incite à rester sur les ondes de C'est fou parce que de 21h, c'est dans quelques minutes. C'est Alex et Matière Noire qui va vous amener dans un maelstrom de musique métal à progressive, j'imagine, encore cette semaine, n'est-ce pas, mon cher? Oui, tout à fait. Mais je m'informe parce que c'est quand même lui qui peut me donner la source la plus sûre, n'est-ce pas? Donc, je vous incite à rester parce qu'il sera des vôtres ce soir. La semaine prochaine, il est fort probable que nous nous intéressions aux sorties respectives de ce vendredi, soit le 6 mars. Et je parle de Enslaved et l'album In Times, ainsi que de Moonspell, l'album Instinct. Donc, c'est fort possible qu'on s'y attarde la semaine prochaine. Je vous laisse avec deux dernières pièces de ce spécial. Nous allons avoir à peine le temps d'attaquer l'année 1990. Deux formations qui ont été fort importantes dans le milieu du métal. Je parle de Death, formation américaine, et une pièce tirée de l'album Spiritual Healing qui est paru en 1990, soit Killing Spree, formation qui aura même éventuellement amené un mouvement plus progressif dans le métal. Et je parle de la formation Death Metal, Deicide, et la pièce Deicide tirée de l'album de Deicide qui est paru le 25 juin 1990. Deicide sont un groupe fort important dans le mouvement du Death Metal. Ils existent toujours d'ailleurs. Ils ont des albums de qualité, bien sûr, pour les amateurs. Donc, je vous laisse avec ces deux pièces autant que faire se peut. Et restez des nôtres pour Matière Noire. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine et ce vendredi, Rock Classique avec mon bon ami Rockmaster. Sur ce, voici le conseil de votre bon docteur. Allez tous vous faire foutre. Go! Appealing the victim. Always will, on the cross, for God's son, a sacrifice, it had to be done.